58e leçon. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée d'arbres et vous entrez dans le village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite, vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord au syndicat d'initiative pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. À suivre. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. Pour savoir ce qu'il y a à visiter. Une visite à l'église s'impose. Il est assis en plein soleil.